France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, l'histoire d'un bilan globalement négatif, Georges Marchais ou les mémoires effacées. Dans les années 70, le secrétaire général du Parti communiste français est sans doute l'homme politique le plus médiatique. Ces années-là sont les années Marchais, comme elles sont d'ailleurs les années télé. 80% de nos concitoyens ont un poste à la maison. Les coups de gueule du leader communiste sur le petit écran, sa faconde, ses leçons données aux journalistes et à ses adversaires plaisent. Sa voix et les éclats de sa voix font les délices des imitateurs. Mais plus Marchais est populaire, moins le Parti communiste l'est. En 24 ans, sous son règne, le PC passe de 20 à 8% des voix. Sans doute l'image du leader a-t-elle vampirisé celle du parti. Sans doute aussi que ses choix, ses revirements, ses reniements ont désorienté les électeurs, sympathisants comme militants. Georges Marchais, c'est aujourd'hui l'histoire d'amnésie qui se répondent. Les Français ont effacé son action de leur mémoire, son action, pas sa personnalité, mais son action. Comme lui avait effacé de la sienne les épisodes douteux de son histoire personnelle sous l'occupation. Notre invité aujourd'hui est le journaliste Laurent Geoffrin, ancien patron des rédactions du Nouvel Obs et de Libération, qui vient de lancer un nouveau média en ligne, Le Journal. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Franck Cognard, coordination Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. La une du journal Libération le montre de profil, front haut, sourcils froncés. Nous sommes le lundi 17 novembre 1997 et Georges Marchais est mort la veille. En haut de la page, à droite, la légende, globalement négatif. Laurent Geoffrin, patron de Libé, écrit plus loin, Marchais, une vie entière dépensée au service de l'erreur. Globalement négatif. La connotation ironique du quotidien n'échappe à personne. Elle est l'écho d'une expression qui colle à celui qui vient de mourir à l'âge de 77 ans. Cette phrase, prononcée pour la première fois en mai 1979, en ouverture du congrès du Parti communiste, c'est « Le bilan de l'URSS et des pays socialistes est globalement positif ». Comme si le PC et Marchais, son secrétaire national, ne voulaient pas voir les horreurs du stalinisme, les purges, les déportations, la dictature d'un Ceausescu en Roumanie, ou le quotidien terrifiant imposé par la Stasi, la police politique est-allemande. Les lecteurs de Tintin connaissent l'histoire du sparadrap du capitaine Haddock. Dans l'affaire Tournesol, le vieux marin peine tout au long de l'album à se débarrasser d'un pansement qui lui colle à la peau. Un running gag chez Tintin, mais une casserole chez Georges Marchais que cette histoire de bilan globalement positif. Même Jean Ferrat, l'artiste aux sympathies communistes affichées, brocard de Marchais. Quand j'entends parler de bilan positif, chante-t-il en 1980, je ne peux m'empêcher de penser à quel prix. Et ces millions de morts qui forment le passif, c'est à eux qu'il faudrait demander leur avis. Et inlassablement, commentateurs et adversaires y reviennent. Ainsi, dans l'émission L'heure de vérité du 14 avril 1990, alors que les pays communistes s'effondrent, Alain Duhamel revient à la charge et, mauvaise foi en bandoulière, Marchais persiste et signe. Je continuerai de dire que c'est grâce à l'Union soviétique que des pas en avant considérables ont été accomplis et sont accomplis. Mais par conséquent, il y a des acquis. Non mais, monsieur Marchais, ça j'ai bien compris. Mais au bout du compte... Si vous avez compris, alors... Non, au bout du compte, qu'est-ce qui l'emporte? Le positif ou le négatif? Rien n'est jamais tout blanc et rien n'est jamais tout noir. La conclusion que je tire de la situation aujourd'hui, c'était déjà ce que j'avais un peu esquivé dans ma réponse, plutôt abordé. Dans ma réponse aux jeunes, à savoir que l'avenir appartient aux socialistes et non pas aux capitalistes. Eh oui, on note le lapsus esquivé au lieu d'esquisser. Toujours cette histoire de sparadrap qui reste collée à un Georges Marchais qui peine à se justifier. En 1920, la Chambre des députés bleu horizon, car nombreux sont les anciens combattants qui ont été élus quelques mois auparavant. 1920 donc, La France, inhume sous l'arc de triomphe, un soldat inconnu, mais veut oublier la Première Guerre mondiale. Paris devient un centre du monde artistique et culturel. Les années à venir seront folles et belles. L'industrie tourne à plein et personne ne fait attention à un petit homme brun qui, en Allemagne, prend les rênes du Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Il s'appelle Adolf Hitler, bien sûr, et vient de publier un programme en 25 points qu'il appliquera scrupuleusement. En cette année 1920, le 7 juin, à la Hoguette, à 40 km au sud de Caen, la famille Marché accueille son quatrième enfant. Il s'appelle Georges et ressemble à son père, René, un ouvrier qui travaille dans une carrière voisine. La mère, Germaine, est devenue veuve de guerre. Son premier mari, père des trois aînés du petit Georges, est mort à la fin de la guerre. En cette même année 1920, quelques mois après la naissance de Georges, en arrive une autre. En décembre, à Tours, est créée la section française de l'Internationale communiste, vite rebaptisée Parti communiste. De rares images d'archives, sans le son, montrent une banderole déployée entre deux immeubles, avec en lettres brillantes « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous ». Sous le slogan, défilent, en gestes saccadés, des messieurs en costume, chapeaux et moustaches. C'est un moment important, capital même, puisqu'il va structurer la vie politique française pour les 100 ans qui suivent. Ce jour-là, lors du congrès de Tours, se sépare de gauche jusqu'à leur assemblée, communiste d'un côté, socialiste de l'autre. Les années passent, sans rien de notable dans le bocage où grandit le jeune Georges, jusqu'en 1930. Cette année-là, son père, René, meurt subitement. Germaine est veuve une deuxième fois, Georges est orphelin à 10 ans. À Paris, un jeune apparatchik ambitieux, Maurice Thorez, prend la tête d'un parti communiste qui a perdu la moitié de ses adhérents depuis sa création. La ligne fixée par Moscou, quasi sectaire, en a dégoûté plus d'un. Mais pas Thorez, qui met le PC en coupe réglée, appuyé par Staline lui-même, comme l'atteste son discours prononcé en 1936, archivé par le Parti communiste. La parole est à Maurice Thorez, secrétaire du Parti communiste. Camarades, nous, communistes, qui aimons notre pays, nous voulons le débarrasser des profiteurs et des voleurs du capital qui le conduisent à la catastrophe. Nous avons la conviction qu'il n'est pas en définitive d'autre voie de salut que celle où nous ont précédé nos frères de l'Union soviétique. Sous la conduite de Lénine, de Staline et de leur parti bolchevique, les ouvriers et les paysans ont fait de l'ancien empire des tsars le seul pays sans crise, sans misère et sans chômage, le seul pays de la liberté et de la paix. Vive le Parti communiste! Vive le Parti communiste! L'agitation politique n'atteint pas le jeune Georges Marché en ce milieu des années 30. Le Front populaire, la Grande Dépression, la prise de pouvoir d'Hitler devaient avoir moins d'importance à ses yeux que son certificat d'études et son brevet élémentaire, ce qui est normal à 15 ans. Puis l'adolescent rejoint à Paris l'une de ses demi-sœurs et sa famille. Mais la capitale n'attend pas le jeune provincial, qui durant presque 3 ans alterne chômage et petit boulot. Apprenti en usine à 10 heures par jour, 6 jours sur 7, coursier pour une banque, employé de bureau chez un assureur, jusqu'à ce que son beau-frère lui trouve un poste à la Société Nationale Aéronautique du Centre. Une fierté pour le jeune Marché. Mais cette période heureuse ne va pas durer longtemps. La guerre s'annonce, la débâcle arrive et l'occupation s'installe. Interrogé des années plus tard sur cette première moitié des années 40, Georges Marché, habituellement prolixe, bavard et fort en gueule, reste flou, très flou, parce que ce passé est trouble, si trouble qu'il est caché durant 30 ans. En 1970, il est le numéro 2 du Parti communiste, mais quasi numéro 1, vu l'état de santé du secrétaire général, va le décrocher gravement malade. C'est à lui, Marché, de gérer les affaires du parti et donc de régler un conflit interne, le coup de gueule de militants communistes historiques pour certains grands résistants. Ceux-là reprochent au PC son alignement aveugle sur Moscou, son silence sur la répression par l'armée rouge du printemps de Prague en 1968 et son aveuglement face au mai 68 français. Les critiques sont politiques et Marché règle ça à la soviétique, exclusion des factions. Thank you. juillet 70, l'Inde, Charles Tillon, attaque non plus la ligne du parti, mais Georges Marchais lui-même. Et c'est une grande voix qui s'exprime. Communiste depuis 1921, député en 36, déchu de son mandat en 40 par les autorités collabo, fondateur en 41 du groupe résistant FTP pour franc-tireur partisan, Tillon est aussi ministre de l'air, puis de l'armement dans les deux gouvernements d'union nationale du général de Gaulle. Alors, quand il parle, on l'écoute. Eh bien, écoutons-le lors de son passage à l'ORTF le 17 juillet 1970. J'ai été amené à dire que je ne pouvais pas admettre qu'un homme qui était parti travailler en Allemagne le cache au parti lorsqu'il a donné son adhésion, remplisse une fausse biographie. Avait-il donc honte, lui, d'être parti en Allemagne? Alors, pourquoi l'a-t-il caché au parti? Je ne peux pas faire confiance à un général qui a commencé son action dans le parti par une fausse déclaration, en déclarant qu'il était toujours resté à travailler en France sous l'occupation. Ainsi donc, Georges Marchais a menti, au moins par omission. Sa biographie jusque-là mentionnait simplement mécanicien ajusteur à la Société nationale de construction aéronautique du Centre, 1940, puis secrétaire du syndicat des métaux d'Issy-les-Moulineaux en 1946. Comme si, durant ces 6 années, il était resté cet ouvrier lambda employé en France. Pourtant, forcé de s'expliquer, il affirme qu'il était l'un des nombreux Français à travailler en Allemagne pendant une partie de la guerre, envoyé dans une usine bavaroise du fabricant d'avions Messerschmitt. Voici ce qu'il en dit le 31 janvier 1973 au journal de 13h de l'ORTF. Certains s'interrogent sur ce que vous avez fait pendant l'occupation. J'ai déjà eu l'occasion de dire, je le redis très simplement, c'est une calomnie que de dire que j'ai été volontaire en Allemagne. J'ai été, comme près d'un million de travailleurs, je crois, victime du service du travail obligatoire, instauré à l'époque par le régime de Vichy avec les nazis. Je n'ai donc jamais été volontaire, mais victime du STO. Sauf que le décret instituant le STO est promulgué en février 1943, et Marchais est parti en Allemagne 2 mois avant, en décembre 1942. Alors il rétropédale, plaide la simplification. Il a été réquisitionné au titre d'un décret allemand de septembre 1942. Mais il précise aussitôt, je me suis évadé en février. Puis rétropédale encore, j'ai tenté de m'évader mais j'ai été repris. Et à l'occasion d'une permission en France en mai, je ne suis jamais retourné en Allemagne. L'administration nazie aurait donc accordé un congé à un Français qui venait de tenter de s'enfuir. Personne n'y croit, évidemment. Mais jusqu'en 1980, Georges Marchais s'arc-boute. Il est rentré en France en 1943, n'est pas retourné en Allemagne, se cachant jusqu'à la libération en Normandie dans des fermes ou dans la famille. Fin de la polémique? Non. Encore une histoire de sparadrap qui lui colle à la peau. L'affaire Marchais, telle qu'elle est appelée dans les journaux, rebondit le 8 mars 80 dans l'hebdomadaire L'Express, comme l'explique son patron Jean-François Revel. Pour L'Express, le secrétaire général du PC a été travailleur volontaire en Allemagne jusqu'à la fin de l'occupation. Il a publié un document retrouvé à Augsbourg en Allemagne et qui date du 10 mai 1944. Le fait politique, c'est que, encore une fois, Marchais a voulu cacher cette période et qu'il ait multiplié les versions erronées, volontairement tronquées ou fausses à ce sujet. C'est ça le fait politique. Ce sont des communistes ou d'anciens communistes comme Lecoeur et de grands résistants qui ont soulevé ce problème. Ce n'est pas L'Express en 1980, ça fait 10 ans. Mais quand on parle de ça, Marchais s'est toujours bandé, comme il le fait pour tout, à insulter ceux qui osaient informer. Vous lui demandez... Ah ben, c'est-à-dire, ça me semble politiquement indispensable. Faux, grossier, procédé ignoble et répugnant, écrit le bureau politique du PC, qui voit dans le papier de L'Express une tentative de déstabilisation du futur candidat à l'élection présidentielle de 1981. Mais sur le fond, aucune réponse. Face aux questions que pose le document allemand publié par l'hebdomadaire, l'intéressé ne vacille pas, ou du moins pas en public. Et rares sont ceux qui ont vu la faille en ce 8 mars 80. Mais parmi eux, Pierre Jucquin, Il est à l'époque un proche de Marchais. Il dirige le bureau chargé de la presse et de la propagande du parti. Et il se souvient dans un documentaire d'Yves Jolland tourné en 2007. J'ai vu Jean Le Marchais pleurer. Nous étions là, trois, dans son bureau. Lui, Charles Fitterman et moi. Nous lui avons dit, Georges, il faut que tu nous dises toute la vérité. Il a pleuré devant nous, il a dit, oui, j'ai tout dit. Qu'a-t-il fait? Je ne sais pas, rien peut-être, ou peu de choses, ou des choses pas extrêmement flatteuses. En tous les cas, il ne s'est pas battu. Et ça, je pense que c'est probablement la grande faille dans son histoire et dans sa personnalité. Je pense qu'il y avait là quelque chose qu'il tourmentait, qu'il regrettait. Alors, est-ce là la faille? Je ne sais. A-t-il eu des remords? Je ne sais. En tout cas, c'est un homme complexe. Et je dirais que ça, c'est respectable. Alors, Marchais, travailleur volontaire jusqu'en 45 ou évadé en 43? Le document d'Express est-il probant? Les querelles d'experts sur le sujet entre accusateurs et défenseurs vont bon train. Et puis, cette querelle a été oubliée. Quant à la vérité, elle dort sans doute dans les archives du Kremlin. Fleur au fusil, tambour battant, il va. Il a 20 ans, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant pour surveiller ses pas. Et son barda contre ses flancs qui bat. Quand un soldat s'en va en guerre, il a dans sa musette son bâton de maréchal. Quand un soldat revient de guerre, il a dans sa musette un peu de linge sale. Partir pour mourir un peu à la guerre, c'est un drôle de petit jeu qui ne va guère aux amoureux. Pourtant, c'est presque toujours quand revient l'été qu'il faut s'en aller. Le ciel regarde partir ceux qui vont mourir au pack à danser. Des hommes, il en faut toujours, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour. Quand un soldat s'en va en guerre, il a des tas de chansons et des fleurs sous ses pas. Quand un soldat revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine et puis voilà. Aujourd'hui, les mémoires effacées de Georges Marchais. Affaires sensibles sur France Inter. Rentré en France en 45, comme le démontrent des documents, ou en 43, comme il l'affirme, Georges Marchais se retrouve sans emploi à la Libération. Alors il fait le tour des entreprises pour qui il a travaillé avant-guerre, comptant sur les amitiés forgées à l'époque. Il retrouve finalement un travail à l'usine d'aviation Voisin, à Issy-les-Moulineaux, où il se fait vite remarquer pour son activisme et prend sa carte à la CGT. Régulièrement, se souviennent des camarades d'atelier, il faut aller manifester devant le commissariat pour le faire sortir. En 47, il adhère au Parti communiste, qui est alors la première formation politique, presque 30% des suffrages aux législatives de l'année précédente. Le dynamisme de ce nouvel élément séduit plus d'un. Ses méthodes expéditives en heurtent d'autres, mais tous le créditent d'une détermination à toute épreuve, écrit le journaliste Thomas Hoffnung dans son livre « Georges Marchais, l'inconnu du Parti communiste ». Et le jeune adhérent grimpe vite les échelons, même si son passé durant la guerre suscite déjà des doutes. Et après tout, les errements secrets du camarade Marchais sont aussi un moyen de pression sur un élément prometteur, dans un parti où on aime rappeler cette phrase « Staline n'aime pas les biographies sans tâche ». En 1951, Marchais quitte l'usine et devient permanent syndical. 3 ans plus tard, il entre au comité central du PC. En 1961, il intègre le secrétariat national en charge de l'organisation. Sacré parcours pour quelqu'un qui n'était pas politisé 15 ans avant. Son ascension, il la doit d'abord au très stalinien Maurice Thorez, celui qui considère l'Union soviétique comme le paradis sur Terre et que nous avons entendu au début de ce récit. Torres est l'homme qui affirmait, 3 ans après la mort de Staline, que le dirigeant soviétique avait fait preuve de mérites exceptionnels. Alors même que les dirigeants russes eux-mêmes remettaient en cause l'héritage du petit père des peuples. Puis malade, il laisse sa place à la tête du PC en 64 à Vadley Crochet, qui, malade à son tour, la cède à Georges Marchais, 6 ans plus tard. En 1970, le grand public prend alors l'habitude de voir à la télé un type souriant, au verbe facile et aux yeux verts toujours mobiles. Les Français découvrent un homme politique façonné pour les joutes et le débat, comme ici en septembre 71. Ce jour-là, Marchais participe pour la première fois à une grande émission de télé, à Armes égales, animée par un jeune journaliste Alain Duhamel et opposé à une star montante de la droite, Jacques Chirac. En avril 60, 10,6% seulement des ménages de ce groupe avaient une télévision et auraient pu nous voir ici, Monsieur Marchais. Aujourd'hui, 67,3% ont une télévision. Si vous n'appelez pas cela une augmentation du niveau de vie, je ne vois vraiment pas à quoi vous pouvez faire allusion quand vous souhaitez défendre les intérêts sur ce plan des travailleurs. J'aimerais que vous m'expliquiez alors pourquoi les travailleurs expriment un si grand mécontentement. Et pas seulement les travailleurs, pas seulement les ouvriers, mais les paysans. Les ingénieurs, techniciens, cadres, les fonctionnaires, ce mécontentement réel qui existe, il est dû à quoi alors? Mais il est dû également. On vous présente comme un jeune loup, mais il est dû également. Vous avez vraiment du retard, monsieur Chirac. Vous raisonnez comme il a 40 ans, l'homme au couteau entre les dents. Les répartis de marché font mouche à chaque fois. Il est ce que les journalistes appellent un bon client. Il apporte une dimension physique presque brutale sur un petit écran lisse et polissé. Il séduit, fait sourire et parfois, il fait rire. Il avait compris que la lutte des classes passait par les studios, explique Alain Duhamel, qu'il a beaucoup pratiqué. Alors Georges Marchais bosse et prépare ses grands rendez-vous télévisés. Ses proches le racontent, s'entretenant avec les spécialistes du parti, rédigeant ses fiches avec des stylos de plusieurs couleurs. Il aime la télé et la télé l'aime. Le téléspectateur attend de Marchais qu'il étrille journaliste ou politique, comme ici en 1977. Dans cette scène, le ministre giscardien Jean-Pierre Fourcade, raide comme une lance, austère comme sa coiffure type balai brosse, se surpasse et ironise sur les notes que son adversaire communiste ne ferait que répéter, sous-entendu, sans les comprendre vraiment. Alors Marchais se met en colère et, allez, soyons honnêtes, on apprécie le spectacle. Monsieur Foucault, oui. Vous devriez être poli et respectueux. Moi, je ne sors pas de l'ENA. Je suis un ouvrier, monsieur Foucault. C'est vrai. C'est ça que vous avez voulu dire aux téléspectateurs. Je suis très respectueux. Je suis effectivement un ouvrier, mais moi, je travaille. Je ne viens pas les mains vides. Et j'ai fait la démonstration ici ce soir que votre politique était une politique contraire aux intérêts des travailleurs, du peuple et de la nation. Et ces notes, monsieur Foucault, je m'y suis préparé moi-même. Je répète, je ne sors pas de l'ENA, mais je suis assez intelligent pour ça et je suis un ouvrier. Je suis comme la majorité des Françaises et des Français. Je suis plein de bon sens. J'ai le souci de l'intérêt des travailleurs, de mon peuple et de mon pays. Les audiences des émissions auxquelles participe Marchais sont exceptionnelles. Alors une légende cathodique se forge autour de lui, à tel point qu'on lui prête des phrases qu'il n'a jamais dites. Ainsi, le « taisez-vous, Al-Kabash » est une pure invention de l'imitateur Thierry Le Luron, mais la phrase sonnait si vraie. À l'inverse, la réplique « vous venez avec vos questions, moi je viens avec mes réponses », qui semble tout droit sortie de la bouche d'un humoriste, est bien de lui. C'était lors de l'émission Le Grand Débat, en février 81. À la télé, Marchais impose sa loi. En revanche, dans les bureaux de vote, c'est loin d'être le cas. En 68, le PC pèse encore 20% des voix, en 86, moins de 10%. Quand Marchais hérite du parti en 70, celui-ci est socialement plutôt réactionnaire. Mais oui, par exemple, 2 ans plus tôt, en mai 68, en réponse à la contestation étudiante, le bureau politique demande à Georges Marchais d'écrire une tribune dans l'Humanité qu'il titre « Des faux révolutionnaires à démasquer », nommant parmi ces « gauchistes », comme disent les communistes, l'anarchiste allemand Cohn-Bendit. Difficile de s'allier la jeunesse près de tels propos. Malgré tout, sous sa conduite, le PC semble évoluer, à cette époque, enfin un peu. Marchais entame un rapprochement avec le frère ennemi depuis 1920, le Parti Socialiste. Le 27 juin 72, les caméras de télé sont là pour l'événement politique de l'année, la signature du programme commun avec le PS de François Mitterrand et les radicaux de gauche de Robert Fabre qui jouent les utilités. Les deux délégations ont approuvé l'accord réalisé sur le texte d'un programme commun de gouvernement. Monsieur Marchais, avez-vous quelque chose à ajouter à ce que vient de dire Monsieur Mitterrand ? Simplement, je veux dire ceci, je crois que cet accord fera date dans l'histoire du mouvement d'ouvriers démocratiques français. Et je suis profondément convaincu que demain, l'enthousiasme sera grand dans les entreprises, les villes et les villages de ce pays parmi les forces ouvrières démocratiques et nationales. C'est un événement d'une très grande importance. Marchais a beau être un apparatchik, il sent que le vent tourne, qu'il faut changer le logiciel du PC. Alors pendant 5 ans, le parti bouge. Abandon de la dictature du prolétariat, prise de distance modérée avec l'Union soviétique. Et puis arrive 1977, et là, plus qu'un coup de frein, c'est machine arrière. L'Union de la gauche a à peine 5 ans qu'elle meurt déjà. Alors, ne trafiquez pas votre post-radio, votre chalifi ou votre ordi à l'écoute de l'archive qui vient. Vous allez entendre, à la fin de l'archive, un silence. Et politiquement, là, ce silence est langage. Ça s'est passé le 28 juillet. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision. Et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris. Est-ce que vous, vous le considérez, M. Mitterrand, comme un allié totalement loyal ? Moi, je pense que... Je réfléchis, je ne m'attendais pas à cette question. Après la rupture, c'en est fini de l'ouverture. Retour de balancier, Marchais durcit la ligne. Il remet au pas ce qu'il appelle les intellectuels du parti, ceux qui contestent l'abandon du programme commun et qui y voient un échec du secrétaire général lui-même. En mai 79, il prononce donc cette phrase sur le bilan globalement positif de l'Union soviétique qui lui sera tant reproché. Quelques mois plus tard, l'URSS envahit l'Afghanistan. Dans la nuit de Noël, les chars russes franchissent la frontière afghane et 2 divisions de l'armée rouge atterrissent à Kaboul. L'Occident condamne l'opération qui va durer 10 ans et ravager le pays. Georges Marchais, lui, est à Moscou, début janvier, 2 semaines plus tard, donc. En duplex, il donne une longue interview à TF1. Ce n'est pas vraiment une interview, d'ailleurs, c'est une diatribe de 43 minutes, une vocifération anti-impérialiste, dont l'effet désastreux. Marchais se comporte en parfait petit télégraphiste du Kremlin. Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan ? Le gouvernement soviétique, il a... tout essayer pour faire que la tension ne s'aggrave pas dans cette région du monde. Et c'est en désespoir de cause qu'il a été contraint de le faire. Voilà ce que m'a dit clairement et nettement le camarade Léonid Brejnev. Et j'ajoute que le camarade Léonid Brejnev m'a dit ceci. Les troupes soviétiques ont comme mandat de ne pas intervenir dans les combats, certains combats intérieurs, certaines luttes de guérilla qui ont lieu. Cette fois, la langue de bois de Georges Marchais est en bois vraiment trop brute. En vérité, il n'amuse plus. Le sympathique défenseur de la classe ouvrière devient épouvantail. Dans les mois qui suivent son déplacement moscovite, il accumule les sorties jugées douteuses, y compris par son propre camp. Par exemple, après la destruction d'un foyer d'accueil pour immigrés par le maire communiste de Vitry, Georges Marchais soutient l'élu et approuve son refus, je le cite, de laisser s'accroître dans la commune le nombre déjà élevé de travailleurs immigrés. Il demande l'arrêt de l'immigration et dénonce, je reprends ces mots-là encore, les aides sociales nécessaires pour les familles immigrées, mais qui deviennent insupportables pour les budgets des communes peuplées d'ouvriers et d'employés. Sans oublier sa position sur les questions de sécurité qu'aujourd'hui, Éric Zemmour cite parfois. Même à la télé, sa chère télé, qui l'a fait si populaire, Marchais semble avoir perdu la main. En avril 80, lors d'un débat des dossiers de l'écran, titré La gauche, une famille déchirée depuis 60 ans, le PS lui oppose un professeur d'économie de 43 ans. Il s'appelle Lionel Jospin. Aujourd'hui, dans le Parti communiste français, il y a 50% dans le comité central d'ouvriers et d'employés, et dans le comité directeur du Parti socialiste, il n'y en a pas. Peut-être, alors, mais moi, je travaillais aujourd'hui et je faisais mes cours. Attendez. Et je crois, cher Georges Marchais, que ça fait 30 ans que vous n'êtes plus ouvrier. Non, et non. Un ouvrier, pour moi, c'est quelqu'un qui travaille en usine. Ou quelqu'un qui peut dire qu'il a passé la majeure partie de sa vie en usine, ce qui n'est pas votre cas. De toute façon, cette année 1980, c'est l'annus horribilis de Marchais. Celle où sort l'article de l'Express, l'accusant, document à l'appui, d'être resté travailler en Allemagne pour les usines Messerschmitt jusqu'à la fin de la guerre. Malgré les polémiques, il se présente à la présidentielle de 81. Et comme il n'y a plus d'union de la gauche, le socialiste François Mitterrand est un adversaire comme un autre, sur qui Marchais tape durement. Si Mitterrand est élu à la tête de l'État, il fera la même politique de droite que Valéry Giscard d'Estaing, dit-il. Laissant même entendre qu'au second tour, il ne se désistera pas forcément en faveur du candidat du PS, car ce genre d'arrangement est selon lui périmé. Cela dit, Mitterrand disait que Marchais et Giscard étaient copains comme cochons, au préjudice du PS. Dans cette ambiance-là, le candidat communiste recueille 15% des voix au premier tour, le 26 avril 1981, 6 points de moins que Jacques Duclos en 69. L'entre-deux-tours est sérieusement agité au PC. On s'écharpe en interne où le bureau politique attribue le faible score de Marchais aux électeurs communistes qui ont voté utile, donc socialiste. Et on fait la tête en externe. On serre les mâchoires et on grince les dents. Mais il faut bien se résoudre à appeler à voter pour François Mitterrand. En public, parce qu'en privé, des cadres en ont témoigné, Marchais lui préconise de voter Giscard. Un peu comme au RPR de Jacques Chirac, où l'on demande aux militants et sympathisants de voter Mitterrand plutôt que Giscard. Et dans les deux cas, le candidat socialiste est gagnant. Quelle époque épique! Mitterrand l'emporte donc et lance de grandes mesures de gauche. Hausse du SMIC de 10%, des allocations familiales de 25%, création de 50 000 emplois publics, nationalisation des banques. Bilan qui montre que Georges Marchais a loupé une occasion de se taire en disant que le président socialiste allait mener une politique de droite comme celle de Giscard. En tout cas, quatre ministres communistes s'installent au gouvernement en juin 81. Sur proposition de M. Pierre Mauroy, Premier ministre, le président de la République a nommé ministre d'État, ministre des Transports, M. Charles Fitterman. Ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives, M. Anicé Leport. Ministre de la Santé, M. Jacques Ralit. Ministre de la Formation professionnelle, M. Marcel Rigoux. Quatre hommes de grande qualité, et c'est l'état de grâce de la gauche. Mais c'est François Mitterrand en premier plan, pas Georges Marchais. Oh, un état de grâce éphémère. En 83, c'est le tournant de la rigueur. En 84, un nouveau Premier ministre, Laurent Fabius, rose pâle. Et surtout plus de ministres rouges, plus de communistes. Pour Georges Marchais, l'épisode se double d'une autre amertume. La liste qu'il conduit aux élections européennes de 84 ne recueille que 11% des voix. Un quart de point de plus seulement que le Front National de Jean-Marie Le Pen. Le secrétaire général du PC vieillit, il est moins vif, concède la création de courants au sein du parti. Après la chute du mur de Berlin en 89, puis l'effondrement de l'URSS, il soutient la perestroïka de Gorbatchev avant de se rapprocher des conservateurs du Kremlin. Les temps et le monde changent. Le parti communiste perd socle électoral et adhérent. Marchais continue bien à être invité dans les émissions politiques, mais il a perdu de sa superbe. Son visage est fatigué. Ses cheveux teints en noir corbeau font peine et son discours ne passe plus. Le 29 janvier 1994, enfin, disent certains, Marchais passe la main. Il désigne comme successeur un élu inconnu du grand public, un certain Robert Hue. À ce moment précis, Georges Marchais n'est plus ce qu'il a été. Et Robert Hue, malgré de vrais talents, n'est pour l'instant personne. Il engage pourtant de profondes réformes du parti. Rien de fracassant, mais l'URSS n'existe plus. L'héritage est moins lourd. Marchais, lui, glisse vers l'oubli, vers un effacement progressif. Dans le journal Le Monde, une caricature du dessinateur Plantu le montre en robe de chambre et pantoufles, dans un fauteuil, disant « Je donnerais bien mon avis, mais tout le monde s'en fout ». Ultime vexation, Quelques mois avant sa mort, alors qu'au PC on discute d'un changement de nom, Marché veut s'exprimer. Mais l'Humanité, journal pourtant officiellement adossé au Parti communiste, refuse l'interview, lui accordant tout de même une tribune, mais précisant « Georges Marchais nous a fait parvenir le texte suivant qu'on lira ci-dessous. » Humiliant. Et Marchais, dans son texte soliloque, il fait lui-même les questions et les réponses. L'Huma le traite avec la condescendance qu'on accorde à un vieux tonton un peu gâteux pour lui faire plaisir une dernière fois. Aujourd'hui, 25 ans après sa mort, que restait-il de Georges Marchais ? Même le parti qu'il a dirigé pendant 24 ans l'a oublié. Constat désabusé de son ancien conseiller Pierre Juquin en 2007 dans le documentaire « Part de Marchais ». De Georges Marchais, il est quand même remarquable qu'il ne reste plus grand-chose. Bien sûr, on n'a pas donné son nom aux places rues et aux piscines, mais il a disparu des mémoires, alors que des millions de gens regardaient chacune de ses émissions, attendaient chacune de ses interventions. C'est l'injustice de l'histoire. C'est aussi un peu l'image de ce qui arrive au Parti communiste dans son ensemble, qui intéresse plus beaucoup de monde. Georges Marchais n'a donné son nom qu'à une place à Champigny, ville dont il a été député, et un parvis à Vitry, qui même a failli être débaptisé. Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, Georges Marchais, notre invité Laurent Geoffrin. Bonjour. Bonjour. Journaliste, bien sûr, ancien patron des rédactions du Nouvel Obs et de Libération. Vous venez de lancer un nouveau média en ligne, ça s'appelle Le Journal, dont nous parlerons un peu plus tard. Mais pour commencer... Avec plaisir. Je voudrais revenir au tout début de notre récit, au lendemain de la mort de Georges Marchais. Vous avez titré « Bilan globalement négatif » et vous avez écrit « Marchais, une vie entière dépensée au service de l'erreur ». Dans le même temps, le Figaro titrait « La solitude finale de Georges Marchais ». C'était moins polémique. Pourquoi vos deux titres étaient-ils si mordants? Parce que je pense que la vie de Georges Marchais, c'est une vie du communisme au service de l'Union soviétique. C'est ça le fond de l'affaire. Le parti français a toujours été l'un des plus disciplinés et l'un des plus soumis à la politique définie par l'international communiste, c'est-à-dire par Moscou. Ah, c'est pas Berlinguer en Italie, c'est clair. Non, oui. Il y a une grande différence entre le parti italien et le parti français. De la même manière que Torres avait été choisi par Staline parce qu'il considérait que ça n'était pas un vieux bolchevique, la direction communiste se méfiait toujours des communistes qui pouvaient prendre de l'autonomie. Hein, parce qu'ils avaient eux-mêmes des faits de gloire à leur actif qui pouvaient leur donner une sorte de liberté. Donc on prenait des gens plus obscurs, disciplinés, bien formés, mais plus obscurs. Donc c'était le cas de Torres dans les années 30, enfin 20-30, et c'est le cas de Marchais après la guerre. Il y avait de grands héros communistes pendant la résistance, mais Staline avait une hantise, c'est de voir les leaders communistes d'Europe suivre la voie de Tito. Tito, c'était le chef communiste de la résistance yougoslave, qui avait libéré son pays tout seul, sans l'armée rouge. Et ça, c'était un risque que Staline ne voulait pas courir. Et donc, il a écarté les grands dirigeants de la résistance communiste, enfin ceux en tout cas qui avaient pris de l'autonomie, et il a nommé ce garçon, qui était un jeune ouvrier, syndicaliste, enfin, il a fait nommer, plus exactement, il a fait monter dans l'ombre de Torres, avec l'accord de Torres, ce militant qui, pendant la guerre, n'avait rien fait, en fait. Bon, parce qu'on a eu toute cette polémique, là, sur qu'est-ce qu'il a vraiment fait pendant la guerre, sur lequel il avait menti. Il n'a jamais été collabo. Non, ce qu'on lui reprochait, c'était d'avoir menti, exactement. Voilà. D'avoir menti. Simplement, c'était le parti, le grand parti des 75 000 fusillés, le parti de la résistance, etc., enfin, à partir de l'invasion de l'Union soviétique. Mais bon, il y avait eu beaucoup de héros communistes, et évidemment, ça la foutait mal d'avoir un dirigeant national qui n'avait rien fait pendant cette période. Donc on avait menti. On avait dit oui, il était obligé, c'est le STO, il est allé travailler en Allemagne, d'accord, mais alors qu'il semble bien qu'il y ait été volontairement. Enfin bref. Mais c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'était quelqu'un de soumis, de talentueux, d'énergique, il était très très volontaire, mais soumis à la ligne de l'Union soviétique, jusqu'à la fin. C'est ça qui m'a frappé. C'est extrêmement choquant. Parce que d'où l'erreur permanente. Voilà. C'est pour ça que je justifie la phrase un peu lapidaire que j'ai employée dans mon édito. Mais d'autant plus que c'était quand même choquant, parce que c'est vraiment le parti de l'étranger. Quand dans l'appel de Cochin, Chirac parlait de parti de l'étranger en parlant d'Europe, c'était n'importe quoi. Là, pour le coup, c'est quand même la main étrangère, quoi. Qui dirige un parti français. C'est vrai, mais c'est toute l'ambiguïté du communisme français, c'est que les communistes, c'était quand même des ouvriers français. Et donc, pendant la période de 40 à 41, c'est-à-dire la guerre se déclare, la ligne de Moscou c'est on veut pas de la guerre, c'est la guerre impérialiste, on n'en veut pas, donc le Parti communiste ne fait rien. Il demande même aux autorités allemandes à ce que l'humanité puisse reparaître. Et puis là-dessus Hitler change de politique et attaque l'URSS. À ce moment-là les communistes sont libérés. Enfin ils vont pouvoir mettre ensemble leur fidélité à la révolution mondiale et le patriotisme. Ouais. Et Marchais était un peu comme ça. Hein, quand, par exemple, quand il dit il faut que l'indépendance nationale soit respectée, hein, quand on lui pose des questions sur l'Europe, absolument. Il dit nous, on est pour l'indépendance, on n'est pas pour se soumettre à l'Union européenne, se soumettre à l'OTAN. Des pouvoirs supranationaux, quoi. À n'importe quel pouvoir supranational, exactement. Alors, ça correspond à la volonté de Moscou, parce que les Russes ne veulent pas voir se fonder une Europe unie qui serait un peu gênante pour elles. Mais ça correspond à un sentiment profond des communistes aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles mon jugement est plus nuancé qu'il n'en a l'air, et que les militants communistes, j'en ai connu beaucoup dans ma vie de journaliste, sont souvent des gens qui sont attachés à la République, ils sont attachés à l'histoire de France, ils aiment bien Victor Hugo, ils aiment bien Zola, ils aiment bien Jules Verne, tout ça. Enfin, ils ont une culture française, mais ils pensaient que il y avait une révolution mondiale à soutenir, et le capital de cette révolution, c'était quand même Moscou. Comment expliquer quand même que dans les années 70, dans les années 70, le décalage entre la popularité d'un marché et l'érosion des scores du PC, est-ce que cette popularité n'était que cathodique finalement? Parce qu'il faisait le spectacle? Pas seulement, il avait ce talent de battleur. Hein. C'était pas un orateur, oui. C'était un battleur. Oui, c'est vrai. Et il était très bon. Il avait des réparties. Il était drôle, on l'a entendu. C'est... Et il était fort, etc. Il en imposait. Il avait ce physique avantageux, cette voix très très claire, avec cet accent de province qui faisait qu'il était sympathique, qu'il faisait proche. Quoi. Mais en même temps, il représentait une cause qui était en pleine capilotade. C'est ça la vérité. C'est qu'à partir des années 70. Ça l'est passé en fait. À partir des années 70, la vérité sur ce qu'était le goulag, ce qu'était le régime communiste... Sur Djelicine, notamment. Les écrits de Djelicine, au départ. Tout ça fait que le mythe communiste est en train de s'effondrer. Donc ouais. Marché essaye de le maintenir. Hein, il dit c'est un bilan... Alors, il dit pas c'est un bilan positif, il dit c'est un bilan globalement positif. Donc il admet qu'il y a quand même quelques erreurs. Les erreurs, c'est des millions de morts, et c'est un régime d'une férocité terrible, quoi, avec les... de tout ce qu'on sait maintenant sur les massacres staliniens et post-staliniens. Et donc, il défendait une cause indéfendable. C'est ça, la vérité. Il défendait une cause indéfendable, sauf quand il parlait des ouvriers français, de leurs difficultés, de leur pouvoir d'achat, du chômage. Bon, là, il était très bon, parce que les communistes étaient des gens sociaux, on le sait bien. Mais dès qu'il s'agissait de défendre un système, le système qu'il défendait était indéfendable. Alors, il a continué. Alors, pendant une certaine période, l'Union soviétique, considérant qu'il n'était pas question de prendre le pouvoir par la force, a dit au Parti communiste européen « Fondez-vous dans la vie politique ». Et donc, le Parti communiste a conclu un accord avec le PS pour essayer d'arriver au pouvoir, etc. Mais à un moment, les communistes ont dit « Ben oui, on envahit l'Afghanistan, vous êtes là pour nous soutenir ». Un marché, bon soldat, dit « Je soutiens l'action de l'armée russe en Afghanistan ». Parce qu'il est moscovite, en fait. Et donc, il y va, et alors, évidemment, personne ne le suit, puisqu'on considère que l'attaque contre l'Afghanistan est une simple guerre impérialiste, quoi. Laurent Geoffrin, on se retrouve dans 3 minutes pour parler du journal. Avec plaisir. Faced, Heading Out. Everybody's got their shit. Who's got the guts to sit with it? Affaires sensibles. Laurent Geoffrin, malgré un détour par la politique, on s'est dit, Geoffrin, c'est un journaliste. Il a la passion ça n'est pas faux. Du journalisme. Donc, vous mettez en ligne, c'est le cas de le dire, vous créez le journal. Point info, le journal. On y accède en faisant le journal. Point info. Le journal en un seul mot. Point info. Point info. C'est donc un journal en ligne. Voilà. D'un côté, une lettre éditorialisée dont vous allez vous occuper avec plaisir, j'imagine. Voilà. De l'autre, un journal. Absolument. Mais encore. Que je fais avec mon ami Jean-Paul Marie, qui est ancien grand reporter de l'Obs et ancien prix Albert Londres. Donc, qu'est-ce qu'on peut y lire? C'est quoi votre intention éditoriale? C'est parti d'une colère, en fait. Ça fait un certain temps que je commente la vie politique, assez longtemps même. Et franchement, c'est jamais tombé aussi bas. C'est-à-dire quoi, l'invective le... Mais oui, il y a des gens qui font de l'argumentation rationnelle, des radios, des télés, des journaux, etc. Bon, très bien, mais c'est toujours couvert, pas toujours, souvent, trop souvent couvert par des invectives. Mmh. Et tout le monde le sait. C'est bien sur les réseaux... L'Assemblée nationale, ne serait-ce qu'à l'Assemblée nationale. L'Assemblée, sur les chaînes, etc. Bon. Et c'est vrai aussi à gauche. C'est ça qui me soucie, au fond. Mmh. Parce que la gauche, comment dire, crédible, rationnelle... que j'appelle, moi, la gauche réformiste, à son discours couvert par les invectives de la gauche radicale. La gauche radicale a son utilité aussi, hein, je ne le conteste pas. Mais il y a une manière de faire de la politique qui devient insupportable. Mais c'est une question de troupes aussi. Les troupes de la gauche radicale sont aujourd'hui bien plus importantes que... C'est pas seulement une question de nombre, c'est une question de méthode. C'est parce qu'ils veulent absolument utiliser des méthodes agressives, vociférantes même à certains égards. Vous avez bien vu ce qui s'est passé au Parlement pendant toute la discussion sur le projet... de réforme des retraites. Donc, il faut réhabiliter la délibération rationnelle, et notamment à gauche. Et c'est ça le sens du journal. C'est qu'on veut faire un journal à la fois qui soit vif, polémique, drôle, ironique, mais aussi fondé sur l'argumentation, pas seulement sur le cri, quoi, ou l'invective, ou l'insulte, etc. On veut raisonner, on veut être drôle, on veut être sympathique, on veut être ouvert aussi, parce qu'on donnera la parole à beaucoup de gens, y compris des gens qui ne sont pas forcément de gauche. Mais on veut réhabiliter la raison. Ouais. Des choses qui semblent maintenant désuètes parfois, de la raison, le progrès, le savoir. Et c'est un journal qui sera donc dédié, par exemple, enfin, notamment, à la République sociale, proche des intérêts des classes populaires. Vous voulez réenchanter la social-démocratie ? Réenchanter, oui. Enfin bon, c'est un mot un peu, comment dire, en figurique. On veut défendre ces thèses avec beaucoup de passion, de conviction, mais sur la base de la raison. On veut la République sociale, je l'ai dit. On veut la laïcité contre les communautarismes. On veut le savoir, la raison contre les complotistes. Contre les fake news, on veut... L'universalisme aussi. L'universalisme, parce que tous les hommes doivent avoir les mêmes droits, et on doit aboutir à l'égalité, notamment l'égalité des minorités qui sont discriminées. Et on veut défendre, comme un principe général, la liberté d'expression contre ce qu'on appelle la cancel culture, ou les cancel culture de l'annulation, qui est pratiquée et par l'extrême droite, et par une partie de l'extrême gauche. On lutte contre ça, parce qu'on est universaliste, comme vous le dites, c'est-à-dire on lutte pour la liberté d'expression. Donc ceux qui ne sont pas d'accord avec nous ont le droit de s'exprimer. Seule la loi peut interdire une expression, tout le reste est libre. Et donc on va défendre toutes ces idées-là, qui sont des idées générales, donc on le fera au fil de l'actualité, en faisant des papiers, bref, mordants, vifs, polémiques, pour défendre ça. Il y a un sous-titre, c'est « La gauche et une bonne droite ». On peut être de gauche et avoir une bonne droite. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça va pas être un truc mollasson, quoi. Ah ben, surtout pas. Non. Surtout pas. C'est un journal politique, on peut le dire. Oui, c'est la politique. Mais c'est la politique au sens large. On parle de la culture. Par exemple, là, en ligne, j'ai fait un long papier sur cette double cancel culture, sur ce qu'on appelle les nouveaux inquisiteurs de la culture. Vous savez, c'est tous les gens qui disent qu'il faut réécrire les textes classiques parce qu'ils correspondent pas aux valeurs d'aujourd'hui. C'est absurde. Mais aussi le fait que, l'extrême droite catholique interdise ce chanteur qui s'appelle Bilal Hassani. Vous avez eu cette histoire, sous prétexte qu'il chantait dans une église qui a été désacralisée il y a 5 siècles. Vous voyez le niveau d'irrationalité dans lequel on est. Voilà une église qui n'est plus une église, en fait. Bon, c'est un beau bâtiment, dans lequel il y avait constamment des concerts. Mais comme c'est Bilal Hassani, dont le mode de vie et l'apparence dérangent les gens les plus conservateurs, hop, interdit. Donc voilà où on en est. C'est incroyable. Quoi. Et donc la gauche est là pour défendre ce qui fait ses fondements, c'est-à-dire la liberté d'expression, la laïcité, la République. Alors bien, il faut aller plus loin. En fait, il s'agit aussi de rationaliser le débat public. De revenir à la raison. D'accord. Mais pour il s'agit d'appliquer l'héritage des Lumières au problème de l'avenir. Ouais. Par exemple, de la mutation écologique. C'est le problème central, aujourd'hui, c'est la mutation écologique. Donc on défend la planification, on défend la science, on défend le savoir, et le militantisme écologique. Mais pas la religion de la religion d'une espèce de divinité qui serait Gaïa à la Terre. Non, ça on n'y croit pas. Pense qu'il faut défendre la planète, parce que c'est l'endroit où les générations futures vont vivre. C'est ça la vraie raison, c'est une raison rationnelle. On n'est pas dans la religion, vous savez, ces religions spiritualistes un peu bizarres. On n'y croit pas. Laurent Geoffrin, il reste quelques secondes, mais c'est oui, important. Oui, j'ai été trop. Mais vous n'avez pas été trop. Vous avez été ce que vous vouliez être. Journal gratuit, c'est important. Journal gratuit, mais évidemment, si vous voulez payer, vous pouvez payer. Faut bien vivre. Si vous voulez nous soutenir. Faut bien vivre. Il y a plein de gens, parce qu'on a lancé ça la semaine dernière. Il y a beaucoup de monde. C'était sympathique. J'étais vraiment content de la soirée qu'on avait organisée. Et il y a un double tarif. Il y a un tarif où vous ne payez rien, vous pouvez lire. Et il y a un tarif où vous êtes convié à faire une contribution volontaire. Bon, le tarif ici, c'est 15h58, 30 secondes. Donc pardon, c'est fini. Pardon. Le journal. Point info. Merci beaucoup, Laurent Geoffrin. C'était Affaire Sensible aujourd'hui, Georges Marchais, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ludovic Asselot. Mathieu Noël à suivre sur France Inter, juste après le flash. Bonjour, au menu aujourd'hui. Eh bien bonjour Fabrice, si on prenait soin les uns des autres, la théorie du care progresse en France, et si le mot n'est toujours pas traduit, c'est qu'on a du mal à lui trouver un équivalent français, figurez-vous, surtout aussi court, car le care, vous allez voir, c'est un concept très très vaste. Bien, on va découvrir juste après le flash de 16h, merci.